Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, à l'occasion de la Coupe du Monde en Russie, nous parlons football. Car derrière ce sport, le plus populaire du monde, se cachent souvent des grandes affaires qui ont marqué l'histoire d'un pays, d'une génération ou d'une institution. La FIFA a pour slogan « For the game, for the world », « Pour le jeu, pour le monde ». Depuis sa création, la Fédération internationale de football, genre forte avec les faibles et faible avec les forts, a parfois lié son histoire à un pouvoir autoritaire. En 1934, déjà, elle offre une formidable vitrine au dictateur italien, Mussolini. Fascisme, propagande et sport seront les maîtres mots de cette édition qui voit la victoire de l'Italie, comme espéré par le Duce, qui, dit-on, a invité l'arbitre de la finale à sa table la veille du match, sans que la FIFA n'y trouve rien à redire. En 1978, c'est en Argentine, écrasée par le joug de la junte militaire, que flottent les fanions de la FIFA. Alors, durant plusieurs mois, en France et dans plusieurs pays du monde, on s'interroge. Faut-il aller jouer au foot pendant un mois, comme si de rien n'était, là, dans ce pays, où la torture quotidienne est pratiquée dans un centre situé à deux pas d'un grand stade? En 1978, une campagne de boycott initiée en France est donc lancée contre cette Coupe du Monde. Pendant plusieurs mois, la rue gronde, on s'indigne, et puis finalement, toutes les équipes qualifiées y vont. Mais que reste-t-il de cette compétition? Comment le pouvoir argentin en a-t-il profité pour conforter son pouvoir? Enfin, le croyait-il? C'est l'histoire de cette Coupe du Monde en Argentine que nous vous proposons de redécouvrir 2 ans après la première diffusion de cette émission. C'était en juin 2016, à l'occasion de l'Euro. Notre invité aujourd'hui, Régis Janté, journaliste, spécialiste du Caucase et de la Russie, auteur notamment du livre intitulé « Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique » et du documentaire intitulé « Football, arme du KGB », puisque la Coupe du Monde, ça ne vous a pas échappé, se joue en Russie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir donc pour ce grand rendez-vous, rendez-vous très attendu, tant attendu depuis de longues années, puisque ce soir, le football français, je crois, se trouve face à son destin et face aussi à 11 Bulgares décidés, une fois de plus, à barrer la route de la Coupe du Monde à l'équipe de France de football. C'est en effet le dernier match du groupe 5 et ce soir, c'est le vainqueur du match, si c'est la France, c'est la Bulgarie, si elle a réussi à gagner ou si elle a fait match nul, qui empochera le 11e billet puisqu'il y a déjà 10 pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui se jouera du 1er au 25 juin en Argentine. « 16 novembre 1977, stade du Parc des Princes, Paris. Dans le stade, seuls les plus anciens se souviennent de la dernière qualification de la France pour cette compétition. C'était 12 ans auparavant, en 1965, contre le Luxembourg. À l'époque, Michel Platini n'avait que 11 ans et jouait encore dans le petit club local de la SJEF. Ce soir-là, quand les 11 bleus choisis par Michel Hidalgo entrent sur la pelouse, toute une partie de la France a les yeux rivés sur les grandes télés. » Voilà, il pleut sur le Parc des Princes. Monsieur Corbert vient de donner le coup d'envoi et le premier coup franc en faveur des Bulgares pour une faute de Rio sur l'avant-centre Stamkos. Il faut attendre la 38e minute pour voir la route vers l'Argentine se dessiner. Michel Platini tente sa chance de loin. Le gardien repousse. Didier Six tire le corner. Marius Trésor réceptionne, transmet à Dominique Rocheteau qui d'un pointu au 6 mètres envoie la balle au fond des filets. Dès le retour sur le terrain, les Français gardent la main sur le jeu. À la 73e minute, le parc chavire de nouveau. Après un dégagement raté du gardien bulgare, Marius Trésor récupère le ballon. Maxime Bossis d'abord, puis Didier Six qui avance, provoque et remet dans l'axe où Michel Platini est seul. D'une frappe tendue aux 25 mètres, le numéro 10 français marque en pleine lucarne. Malgré un but bulgare, à la 85e minute, la France poursuit l'offensive. Et à la 89e, les hommes de Michel Hidalgo valident officiellement leur ticket pour l'Argentine. Guillou, Lacombe, s'il arrive à temps, oui, d'Alger. Ouais, le voilà. Fin du match, le Parc Séville. Dans les tribunes du stade, à côté des fanions abandonnés, on découvre des tracts jetés au sol, sur lesquels on peut lire « Argentine 77, champion du monde de la terreur ». Tract signé le COBA. À 11 000 km de là, à Buenos Aires, au même moment, devant les portes du ministère, des centaines d'hommes et de femmes attendent. Depuis le 24 mars 1976, jour de la prise du pouvoir par le général Videla et sa clique, dans tout le pays, des opposants au régime et leurs enfants disparaissent. Après quelques semaines, beaucoup d'entre eux sont retrouvés morts dans des terrains vagues ou déposés devant leurs anciennes habitations. Pour les autres, dont on n'a plus de nouvelles, seul le général en charge du ministère de l'Intérieur délivre des autorisations pour visiter les morgues et constater ou non le décès des disparus. Parmi ces victimes, dont les corps ont été retrouvés, il y a Anna Maria Isola. C'est pour elle que l'écrivain, peintre et intellectuel Maracalter lance le 19 octobre 1977 un appel dans le journal Le Monde intitulé « Pour lutter contre la barbarie ». Le texte se termine par ces mots. En 1936, nos parents n'ont pu empêcher les sportifs de se rendre aux Jeux Olympiques de Berlin et de faire le salut nazi devant un Hitler ébahi. Deux ans après, ils assistaient impuissants à la nuit de cristal. Lançons ensemble un appel à tous les sportifs et à leurs supporters qui doivent se rendre en Argentine. Refusez de cautionner par votre présence le régime aussi longtemps qu'il n'aura pas libéré les prisonniers politiques et arrêté les massacres. Lançons un appel à la presse mondiale pour qu'elle reproduise cet appel et à tous ceux qui le liront pour qu'ils manifestent leur appui. Si nous ne gagnons pas cette bataille, la barbarie l'emportera. Avec cette victoire contre la Bulgarie, désormais la question se pose aussi pour les joueurs, la presse et le monde politique français. L'équipe de France de football doit-elle aller jouer en Argentine, là où depuis 1976, on tue, on torture, on assassine? Que se passe-t-il à l'ombre des stades? 24 mars 1976, 3h15. Un communiqué officiel des militaires annonce à la radio nationale que la présidente Isabel Perón a été déposée. La junte indique qu'elle s'engage à respecter tous les accords internationaux conclus par la République argentine et qu'un gouvernement va être formé. Ce 24 mars 1976, sur les téléscripteurs des médias du monde entier, l'annonce que l'on attendait depuis plusieurs jours tombe. L'armée est de retour au pouvoir. Il s'agit du sixième coup d'État en un peu moins de 50 ans. Le dernier datait de 1966. Il était le fait du général Onganía. C'est précisément cet officier qui avait reçu 9 jours après son coup de force la bonne nouvelle venue de Londres. Malgré l'instabilité politique et la violence qui en découlait, la Coupe du Monde de 1978 était bien prévue en Argentine. 10 ans plus tard, c'est à un autre général, Jorge Rafael Videla, que revient la charge d'organiser cette compétition. Austère, rugueux, il légitime sa prise de pouvoir pour, dit-il, défendre la civilisation occidentale et chrétienne contre la subversion communiste et ses guérilleros. Tout est dit, et notamment l'alliance habituelle de l'Église catholique avec les régimes fascistes. Pour Videla et sa croisade, la Coupe du Monde est un héritage heureux dont il souhaite faire l'œuvre culminante de sa reconstruction nationale, mais aussi une formidable vitrine offerte aux yeux du monde. Pour cela, le pouvoir achète les services de l'une des plus importantes sociétés américaines de communication et de relations publiques, Burson Marsteller. Après lui avoir remis un premier rapport de 140 pages sur l'image de l'Argentine à l'étranger, la société propose à la junte militaire un plan qualifié de « pénétration de journaux, revues et journalistes d'avant-garde », ça ne s'invente pas, et un programme de réception de ces 10 journalistes avant et pendant la compétition. L'objectif est clair, faire taire les opposants exilés. Et pour cela, tous les moyens financiers sont mis en place. Le 7 octobre 1977, le général en charge de l'organisation de la Coupe du Monde annonce une première estimation du déficit, autour des 400 millions de dollars. Peu importe. L'important, ce sont les dizaines de milliers de touristes qui vont affluer et surtout la visibilité de l'Argentine pour 1,5 milliard de téléspectateurs. Quelques semaines plus tard, l'estimation du déficit budgétaire de l'opération est revue à la hausse et passe à 700 millions de dollars, soit la moitié du solde de la balance commerciale de l'Argentine. Mais tel est le prix à payer pour que le spectacle et les chants des supporters étouffent ceux des prisons et des centres de torture. Pourtant, malgré cette campagne de communication interne et externe, des voix s'élèvent contre l'Argentine. En France, Maracalter joue les lanceurs d'alerte. Les Français ont découvert cet homme en 1976 avec la sortie de son livre « Le fou et les rois » dans lequel, du haut de ses 40 ans, il raconte sa vie d'exil et de rencontres. Né juif à Varsovie en 1936, il a connu la Seconde Guerre mondiale, le ghetto, la fuite vers l'Est, la France, puis l'Argentine pendant les années 50. Il a été comédien, mime, il est désormais peintre, professeur et écrivain. En octobre 1977, il publie une tribune dont on a entendu l'extrait où il propose pour la première fois l'idée d'un boycott. Une semaine après la qualification de la France pour la Coupe du Monde, il s'en explique au micro de France Culture. Aujourd'hui, j'ai lancé encore un appel pour l'Argentine. Car on vient de tuer une cousine à moi, on tue mes amis. Ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Et j'étais bouleversé par l'indifférence dans laquelle ça se passe. Et j'ai lancé un appel pour les boycotts de la Coupe mondiale de football en Argentine. Ça veut dire, sans me faire beaucoup d'illusions, je ne veux pas d'ailleurs boycotter en vérité, mais je voudrais, au fond, sortir les sports de ces tabous politiques dans lesquels ils se trouvent, montrer que même les sportifs peuvent sauver, en posant des conditions avant d'aller en Argentine, sauver les vies humaines. Le 15 décembre 1977, le COBA, Comité pour le boycott de l'organisation de la Coupe du Monde en Argentine, tient sa première conférence de presse et annonce l'existence sur tout le territoire français de plus de 200 comités, ainsi que le soutien d'organisations militantes comme la Fédération de l'Éducation Nationale ou le mouvement breton Football et Progrès, dont on connaît le poids sur la scène géopolitique mondiale. À l'étranger aussi, et plus sérieusement, l'idée du boycott trouve un écho favorable. Après la Suède, des comités voient le jour en Italie, en RFA, en Espagne. Ils se nomment comité de boycott, de soutien aux victimes, ou encore contre la répression en Argentine. Derrière chacune de ces dénominations, dans chacun de ces pays, inconnus ou célébrités ont tous le même objectif, pousser les regards au-delà des stades. Un jour avant la première conférence de presse du COBA, on apprend par l'AFP la disparition de sœurs religieuses françaises des missions étrangères. La première s'appelle Alice Daumont. Nommée sœur Alicia, elle a été enlevée le 8 décembre devant les portes de l'église. La seconde s'appelle Renée Duquet, dit sœur Léonie, enlevée, elle, devant la paroisse Saint-Paul deux jours plus tard. Malgré les protestations du consul général de France à Buenos Aires, Paris n'a aucune nouvelle de ces deux ressortissantes. Deux noms à rajouter à l'interminable liste des disparus. En 1978, l'ONG Amnesty International estime à 6 000 le nombre d'exécutions, 8 000 le nombre des prisonniers et 15 000 celui des disparus. Le 27 avril 1978, dans l'émission Le Téléphone Sonne sur France Inter, un couple franco-argentin raconte le climat de terreur qui règne dans les rues de Buenos Aires. Vers 2-3 heures du matin, on a entendu des bruits et des personnes armées en civil sont entrés, ils ont tiré des coups de feu dans la porte, ils sont entrés. Et ensuite, on a été mis tous les quatre les mains en l'air. Mes beaux-parents et moi, nous avons été emmenés dans la salle de bain. Plus tard, j'entendais mon mari qui criait, qui était frappé. De 2h à 5h du matin qu'ils sont restés, moi j'avais les yeux bandés, j'avais les menottes. Et ils m'ont torturé l'électricité avec la fameuse gégène, surtout les parties génitales. Pendant l'interrogatoire, j'étais frappé en plus avec des bâtons ou je sais pas quoi, et interrogé en français, ce qui m'a drôlement surpris par quelqu'un qui connaissait très bien Paris, qui me demandait quelles étaient mes activités. On se trouvait en voyage de noces à Buenos Aires, donc en faisant du tourisme, et on était mêlés de rien. Les voisins ont tout entendu, mais tout le monde a peur. Tout le monde a peur des représailles. Mais personne n'a osé téléphoner à la police ou qui que ce soit. En Argentine, aucun médecin voulait me soigner. Tout le monde avait peur. J'ai dû arriver en France pour qu'on commence à subir un traitement. Même les médecins sont persécutés. Les hôpitaux, c'est contrôlé par les militaires. Mais ces hommes qui vous ont torturé, vous n'avez jamais vraiment su qui c'était ? Jamais su, ni jamais cherché à comprendre, de peur de représailles. Mon père, qui habitait l'Argentine depuis 1936, est parti avec une valise de 20 kilos. Et il est parti précipitamment après cette torture ? On a pris l'avion en vitesse. C'est-à-dire, quelques heures après ? Quelques jours après, sans savoir si mon frère était vivant ou mort. On a appris que quelques mois après, qu'il était vivant et qu'il était dans une prison militaire. Dans la presse et les médias audiovisuels, les témoignages de réfugiés ou de rescapés se multiplient. Et les partisans du boycott se font de plus en plus nombreux. Après la remise d'une pétition de 50 000 signataires, le comité organise à la Mutualité à Paris une grande soirée-événement intitulée « 5 heures pour l'Argentine ». Une soirée qui rassemble tout le gotha de la gauche française et des ONG. Intellectuels, artistes, politiques et réfugiés prennent la parole. l'Argentine devient presque un sujet d'actualité nationale. Si bien que la question du boycott devient un thème prégnant dans les entretiens, comme lors de ce radioscopie avec Yves Montand. Et vous estimez qu'il faut y aller en Argentine, tout de même ? C'est un grand problème. Personnellement, par réaction personnelle, je dirais non. Et je m'excuse s'il y a des joueurs de football qui m'entendent là, je tiens à leur dire que j'adore le football comme le vrai beau football. Et que c'est vrai qu'il y aura une sorte de frustration si au cas on disait on ne va pas en Argentine. Mais si nous devons y aller, alors pensez-y, je vous en demande qu'ils y pensent de temps en temps. Qu'ils pensent de temps en temps que les coups de pied quand on a un ballon, on les donne aux testicules d'un homme. Côté politique, seul le Parti Socialiste, par la voix de Lionel Jospin, est favorable à cette option et propose même le transfert de la compétition dans un autre pays. Au sein des autres forces politiques, Parti Communiste compris, on ironise sur la possibilité de refuser de jouer une compétition dans un pays où des problèmes de liberté et de droits de l'homme se posent. Sinon, comme le déclare Georges Marchais, on risquerait à l'Est comme à l'Ouest de ne pas aller dans beaucoup de pays. Le président Valéry Giscard d'Estaing et son gouvernement, eux, restent silencieux. L'arrivée de la junte n'a pas mis à mal, en tout cas, les relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays, bien au contraire. Les liens se sont même renforcés, notamment dans le domaine des ventes d'armes. Bien, alors au sein de l'équipe de France, qu'en pense-t-on ? Eh bien, le 17 mai, lors de l'émission Questions d'actualité, la question est posée à Michel Hidalgo et au joueur Henri Michel. Alors, première question, est-ce qu'au sein de l'équipe de France, le débat sur l'Argentine a eu lieu ou vous l'avez escamoté parce qu'il ne se posait pas ? Il n'y a pas eu un débat, il y a eu une petite discussion. On a voulu quand même évoquer tout ce qu'on nous disait autour de l'Argentine et surtout parce qu'on nous écrit beaucoup en nous demandant de faire ceci ou de faire cela. Donc on a été obligé de prendre une position commune. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes confronté avec un problème de genre ? Oui, c'est bien la première fois. Nous sommes allés dans beaucoup d'autres pays où il y avait également des régimes qui ne correspondaient pas aux nôtres et jamais on nous a demandé d'avoir une action quelconque contre ce régime. En tant que joueur, ça vous intéresse pas ce débat-là ? C'est-à-dire, si, on est concerné, mais à partir du moment où on pratique un sport comme le football, je crois qu'il faut surtout essayer de dissocier les deux choses, que ce soit la politique et le sport. Et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de l'équipe de France. Disons que les footballeurs reconnaissent les États et pas les régimes, quoi. Si vous voulez. Est-ce à la suite de cette intervention qu'une incroyable tentative de prise d'otage du sélectionneur est imaginée ? En tout cas, le 23 mai 1978, à la veille du départ pour l'Argentine, la France aurait pu perdre son entraîneur. Mais oui, les faits se déroulent sur la route, entre Saint-Savin-de-Blaye et la gare de Bordeaux. Michel Hidalgo est au volant de sa voiture avec sa femme. Aux abords d'un bois, une Citroën GS blanche le double et l'oblige à s'arrêter. Un homme sort, pointe son arme. Après quelques palabres, le sélectionneur arrive à le désarmer. Les curieux kidnappeurs s'enfuient. Quelques heures plus tard, un communiqué de presse est envoyé au journal Le Monde au nom des agresseurs qui, selon leur formule, ont le regret d'annoncer l'échec de la tentative de détournement de Michel Hidalgo. Dans la foulée, le comité pour le boycott se désolidarise de cette action étrangère à sa campagne, dit-il. Malgré cette mésaventure, Michel Hidalgo rejoint l'équipe de France qui s'envole donc le lendemain pour l'Argentine. Le même jour, dans plusieurs villes de France, des partisans du boycott battent le pavé et bravent les fumigènes. Sur les pancartes, on peut lire des slogans tels que « Pas de foot entre les camps de concentration, Mondial hors d'Argentine » ou encore « Allemagne 1936, Argentine 1978, pas de sport sous les dictatures fascistes » comme ici, à Dijon. 20h30 hier, le centre-ville. Ça fait maintenant une heure que la place d'Arcy a changé de visage et que manifestants et gardes mobiles s'affrontent dans les nuages de fumée des lacrymogènes. C'était à prévoir. Le rassemblement contre le Mondial était destiné à dégénérer. La préfecture avait interdit cette manifestation. Or, les communiqués d'appel aux manifestants continuaient à tomber sur les bureaux de presse. On manifeste contre l'organisation par l'Argentine de la Coupe du Monde de football. Alors qui est avec vous là ? Qui est avec nous ? J'en sais rien. Tous les gens qui font partie du COBA, je ne sais pas exactement le nombre des... Les associations qui en font partie. Ce que je peux dire, c'est que le syndicat des cheminots CFDT a appelé à la manifestation, de même que le SGEN. Autrement, c'est tout ce que je peux dire. Les autres, le COBA, je ne sais pas exactement qui il y a dedans. Deux jours plus tard, le 26 mai, un ancien détenu de l'école mécanique de la marine, Horacio Domingo Maggio, affirme avoir rencontré les deux religieuses françaises dans cette prison peu après leur arrestation. Dans cet entretien, il déclare que celles-ci étaient vêtues d'une robe ordinaire. Elles avaient l'air d'avoir été maltraitées et semblaient très affaiblies. Pour aller aux toilettes, deux gardiens devaient soutenir l'une d'entre elles qui ne pouvait se tenir debout. Je lui ai demandé si elle avait été torturée. Elle m'a répondu oui et elle m'a raconté qu'on les avait attachées nues sur un lit et qu'on leur avait appliqué la picana sur tout le corps, c'est-à-dire la torture à l'électricité. L'école mécanique de la marine se situe à 800 mètres du stade de River Plate qui, le 1er juin 1978, accueille le match d'ouverture entre la République fédérale d'Allemagne et la Pologne. Combien seront-ils à croupir dans ces cellules alors qu'un milliard de téléspectateurs regarderont le coup d'envoi de la Coupe du Monde ? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un jour de fierté pour notre pays, la nation argentine. Indiscutablement, la confrontation sportive qui va avoir lieu aujourd'hui démontre qu'il est possible, de nos jours, d'avoir confiance dans l'unité et la diversité du pays. Seul moyen d'obtenir la paix. C'est pour cela que je déclare officiellement ouvert ce championnat mondial de football 1978. Merci beaucoup. ...80 000 spectateurs et environ 1 milliard de téléspectateurs assistent ce 1er juin 1978 à l'ouverture de la 11e Coupe du Monde de football. Pour conclure ce spectacle, la parole est donnée au général Videla qui dirige ce pays depuis maintenant 2 ans. Après 6 mois de polémiques et de controverses autour de l'appel au boycott de la compétition, la Coupe du Monde a bien lieu. Pour ce premier match, la Pologne et l'Allemagne de l'Ouest se séparent après un match nul. Les Français, eux, se préparent à l'Hindu Club, situé dans la banlieue de Buenos Aires, dans le même hôtel que les Italiens, qu'ils s'apprêtent à affronter le 2 juin sur le terrain de Mar del Plata. Pour ce premier match, l'entame des Bleus est parfaite. 37 secondes après le coup de sifflet, Bernard Lacombe reprend de la tête le ballon centré de Didier Six. Après, plus rien. Les Italiens, deuxième puissance mondiale du football à l'époque, égalisent puis prennent l'avantage. Dans l'autre match du groupe, l'Argentine l'emporte facilement contre la Hongrie. Le 6 juin, les Bleus jouent contre le pays organisateur. Alors que toute la France se prépare à suivre cette rencontre, sur France Inter, on décide de faire entendre les cris à l'ombre des stades. Pendant une heure, dans le téléphone sonne, l'ambassadeur d'Argentine répond aux questions des journalistes et des auditeurs concernant justement la torture. Bien, monsieur l'ambassadeur, vous regrettez certaines accusations, ce que vous considérez comme des campagnes de dénigrement contre votre pays. Pourtant, malgré tout, il y a des faits qui sont quand même troublants. Pourquoi votre pays, pourquoi les autorités policières n'autorisent-elles pas les journalistes présents lors de cette Coupe du Monde à visiter un certain nombre d'établissements? Je pense par exemple à l'école de marine, énormément de journalistes ont essayé de visiter, ils en ont tous été interdits. C'est un des hauts lieux, paraît-il, de la torture faite par les autorités en place en Argentine. Pourquoi, si vous avez la conscience tranquille, ne pas laisser les journalistes visiter cette école de marine? Comme ça, les bruits cesseraient de même. L'école de marine, c'est l'école mécanique de la marine, c'est l'équivalent à l'école de mousse d'ici en France. Elle est placée au centre de Buenos Aires, entre deux autoroutes, très près de l'aérodrome de la ville de Buenos Aires, et dans une banlieue qui est complètement résidentielle. Je pense qu'on aurait trouvé des meilleures places pour torturer, si c'est comme on dit qu'on torture à l'école mécanique de l'armée. Non, monsieur l'ambassadeur, l'école de mécanique de la marine est le camp de détention illégale et de torture le plus grand en Argentine, donc le plus meurtrier. Sur les 5000 personnes qui y sont passées, seules 200 ont survécu. Derrière ces murs, c'est un huis clos de la terreur où vivent tortureux et tortionnaires. On y trouve des appartements pour les officiers, une chapelle, une infirmerie et une maternité pour les prisonnières enceintes. Au sous-sol, il y a les salles de torture et les cellules. La plus grande est un dortoir nommé la capucha, la cagoule. Pieds et mains liés, une cagoule sur la tête donc, les prisonniers attendent la prochaine séance de torture ou le départ pour un vol de la mort. Pour faire disparaître les suppliciés, on les met à bord d'hélicoptères, puis on les jette vivants dans l'estuaire de Rio del Plata. Ce 6 juin 1978, sur la route du River Plate, le quart des Bleus passe-t-il devant cette école devenue un centre de torture? Ce jour-là, sur les écrans de télé, seul le drapeau de l'Argentine et l'euphorie des supporters intéressent les caméras. Après le match, on discute seulement de l'action de la 45e minute, où l'arbitre choisit son camp et offre un pénalty aux Argentins qui l'emportent 2-1, malgré un but de Platini à l'heure de jeu. Les Bleus ne joueront pas le second tour, trois petits matchs, et puis s'en vont. Parmi les journalistes français encore sur place, il y a Gérard Albouy, du journal Le Monde. Quelques jours après l'élimination de la France, il signe un article intitulé « Football, famille, patrie », où il relate la fièvre nationaliste qui a emporté la population argentine depuis le début de la compétition. Partout, en effet, sur les fenêtres, dans les vitrines, sur les pare-brises ou sur les t-shirts, le drapeau argentin bleu, céleste et blanc est là, flottant, triomphant. Le 20 juin 1978, jour de la fête du drapeau, l'ensemble des chaînes publiques diffuse tous les quarts d'heure des spots à la gloire du drapeau et de l'équipe nationale. Un stade, des jeux, des héros en crampons, l'opium du peuple par excellence. On endort les consciences et tout le monde est content. La douleur des opprimés n'en devient que plus intense. Et comme de bien entendu, le 21 juin 1978, l'équipe d'Argentine obtient sa place en finale. Oui, mais depuis, on en sait un peu plus sur cette incroyable remontée. En effet, à l'époque, les places pour les demi se jouent lors d'un mini-championnat. Et à ce petit jeu, l'Argentine a pris du retard. Alors on s'arrange. Après avoir obtenu l'avantage de jouer en dernier, le pouvoir argentin aurait acheté son dernier adversaire, le Pérou. Selon certains témoignages considérés comme sérieux, Lima aurait accepté la défaite en échange de 35 000 tonnes de céréales, d'une annulation de dettes et d'une livraison d'armes, et aussi de l'accueil de 13 opposants politiques. D'autres journalistes évoquent également le versement d'argent à des joueurs. Et c'est ainsi que l'Argentine se qualifie après un joli 6-1, un score surréaliste en Coupe du Monde. Seule l'équipe des Pays-Bas, la plus belle, la plus talentueuse, peut désormais les stopper. À la veille de la grande finale, le général Videla fait le bilan de sa Coupe du Monde au journal de TF1. Ce qui est important au premier chef pour nous, pour notre société, c'est d'avoir pu accueillir un si grand nombre de gens du monde entier venus visiter notre pays et assister au triomphe du football. Mais ce que l'Argentine aura gagné par-dessus tout, c'est d'avoir pu montrer à la face du monde que nous sommes un pays organisé, avec un pays uni, une nation qui a un destin sûr et un peuple décidé à cheminer vers la conquête de ce destin. Le 25 juin 1978, sous le regard de João Avalanche, président de la FIFA, le général Videla remet à Daniel Passarella, capitaine de l'équipe de football d'Argentine, cette Coupe du Monde qu'il vient de remporter après une victoire 3-1, obtenue lors des prolongations devant les Pays-Bas. Comme tout au long de la compétition, c'est sous un air de soupçon et d'intimidation que l'équipe d'Argentine remporte ce match devant pourtant la meilleure équipe du monde, pénalisée par un arbitre complaisant au service du pays organisateur. Ce soir-là, la dictature a gagné son pari, celui de devenir le temps d'une compétition le centre du monde, grâce à la FIFA. En 2005, à Buenos Aires, 28 ans après sa disparition, les restes de l'une des sœurs enlevées en décembre 1977 sont officiellement identifiés par des médecins légistes. Déjà condamné en France par contumace pour l'assassinat de ses deux religieuses, Alfredo Astiz, l'ange blond de la mort de l'école mécanique de marine, est condamné en 2011 en Argentine à la prison à perpétuité. Un an plus tard, en juillet 2012, l'ancien dictateur Jorge Rafael Videla est une nouvelle fois condamné à 50 ans de prison lors du procès des bébés disparus. La justice reconnaît l'existence d'un plan systématique de vol d'enfants d'opposants. En 1978, pendant cette Coupe du Monde, à l'ombre des stades, la terreur règne et montre une fois de plus à quel point le football, immense machine à cash, s'assoit tranquillement sur tous les principes. Des pans entiers de l'histoire de la Coupe du Monde le montrent. Ce sport hyper conservateur, qui ne prête qu'aux riches, qui déteste qu'on change l'ordre établi, continue aujourd'hui encore dans cette logique. Alors, que pèseront les atteintes aux droits de l'homme en Russie où se déroulera la prochaine Coupe du Monde face à un but de Müller? Rien, évidemment. Mais on n'a pas tout vu. Ce serait oublier que 4 ans plus tard, cette même Coupe du Monde se jouera au Qatar, un pays qui n'a aucune tradition de football, mais des poches bien pleines. Ce sport, le football universel, est à lui seul un paradoxe majeur. Capable d'offrir parfois un spectacle extraordinaire et une communion exceptionnelle pour des millions de personnes, il peut aussi incarner toute l'immoralité et l'injustice du monde. Thank you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la Coupe du Monde en Argentine avec notre invité Régis Janté. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas parler de la Coupe du Monde en Argentine. Ça vient d'être fait avec le récit. On cherche, nous, les résonances. La Coupe du Monde, aujourd'hui, a lieu en Russie. Et à chaque fois, de toute façon, les enjeux du football dépassent les simples enjeux du sport. Vous êtes journaliste spécialiste du Caucase et de la Russie, correspondant notamment pour Le Figaro, RFI et France 24. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Russie et sur Vladimir Poutine, notamment Poutine et le Caucase, et récemment, et là on arrive à l'autre sujet, football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique, livre coécrit avec Nicolas Jalot, avec qui vous signez également un film documentaire intitulé Football, arme du KGB. Voilà. Puisqu'on ne revient pas en détail sur la Coupe du Monde en Argentine, comme nous l'avions fait lors de la première diffusion avec Paul Dietschy, qui était notre invité à cette époque-là, entretien qui est toujours disponible d'ailleurs sur le site de France Inter, nous allons essayer de voir ce qui est comparable entre cet événement et la Coupe du Monde qui se joue actuellement en Russie, comment deux pouvoirs autoritaires, même s'ils ne sont pas du tout de la même nature, évidemment, peuvent utiliser cet événement sportif à des fins politiques, mais aussi comment les opposants à ces régimes profitent ou peuvent éventuellement profiter de l'événement pour mettre au jour les dérives de ces pouvoirs. Alors, 78, une question quand même autour de 78. Moi, je me souviens des discours indignés, on va pas y aller, c'est pas possible, tout le monde y va, parce que un footballeur, il joue une Coupe du Monde une fois, deux fois, au mieux trois fois dans sa vie, donc il rate pas l'occasion. L'effet a été minime, est-ce qu'il faut s'en étonner d'ailleurs? Non, parce que dès lors qu'on a mis la main dans l'engrenage, si j'ose dire, et qu'on a choisi de donner la Coupe du Monde à la Russie ou au Qatar, sachant qu'ils ne changeraient pas, c'est une vieille histoire, on sait que ces régimes ne changent pas comme cela, bon, ensuite, voilà, c'est parti, donc il y a peu à espérer, certainement, qu'il se passe quelque chose, et on le voit actuellement en Russie, d'ailleurs, où on a des prisonniers politiques, et aucun n'a été libéré, sinon Navalny, opposant, mais qui, lui, était en prison pour quelques semaines, et on l'a libéré le jour de l'ouverture, ou la veille de l'ouverture, mais c'est tout. Bon, alors, pour compenser cela, finalement, cette Coupe du Monde, elle se joue, tout le monde y va, mais il n'y aura peut-être pas beaucoup de chefs d'État. Qu'est-ce qu'on sait? Apparemment, Emmanuel Macron a déjà dit qu'il irait à partir des demi-finales. Des quarts de finale. Des quarts, voilà, bon. D'autres n'iront peut-être pas. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus pour l'instant? Très peu, en fait. Quelques pays, l'Angleterre et l'Islande, ont agité l'idée d'un boycott diplomatique. Oui. Seulement diplomatique. Personne n'a imaginé même qu'on parle de boycott sportif. Donc ça reste très, très léger. Et pour l'Angleterre, c'est parce qu'il y a cette affaire d'empoisonnement d'un ancien espion russe passé du côté britannique et qui a été empoisonné. Manifestement, enfin, les Anglais sont convaincus par les services russes, selon une vieille tradition d'ailleurs, et donc ils ont proposé simplement un boycott diplomatique. Donc ça reste très très léger comme réaction. Alors, le sport a toujours été dans l'histoire des grandes puissances un terrain de lutte. Il y a eu les JO et puis, bien sûr, la Coupe du Monde de foot. Comment Vladimir Poutine a-t-il, dès son arrivée au pouvoir en 2002, mis en place une stratégie pour faire du sport, et donc du sport russe, une arme, une puissance? Est-ce qu'il l'a réformé? Qu'est-ce qu'il a mis en place? En fait, c'était juste après les JO de Salt Lake City aux États-Unis, qui s'étaient très mal passés à tous les niveaux, et notamment pour la délégation russe, avec des affaires de corruption, de compétition achetée, etc. Et Poutine a compris que bon, c'était très mauvais tout ça. Et puis on est dans une période où énormément de sportifs, on parle de plus de 7000 sportif russe, toute compétition, tout sport confondu, avait fui la Russie après 91, après la chute. Donc le sport était en ruine comme tout le reste. Et Poutine a décidé de réformer en profondeur, notamment dans la formation, avec une université du sport à Sotchi, en ce qui concerne le financement du sport, où on va impliquer les oligarques, notamment, pour relever le niveau du sport russe. Et lui va appeler ça un peu plus tard, cet ensemble de réformes, Rossiya Sportivnaya Derzhava, c'est-à-dire la Russie puissance sportive. Et le mot puissance, Derzhava, c'est le vieux mot russe, le vieux mot politique qu'on utilisait au 19e siècle pour parler de la puissance de l'empire russe. Mmh. Et là, on voit bien qu'on est directement dans la politique. Ça fait 2 ans, en 2002, que M. Poutine est au pouvoir. Et déjà, on comprend que le sport va être un des instruments pour cela. Pour d'ailleurs, remettre la Russie au devant de la scène diplomatique. Voilà, et retrouver, c'est vraiment le dessin de Poutine, c'est retrouver la puissance de l'URSS sans le communisme. Absolument. Bon, absolument. C'est la puissance qui est au cœur de son projet. La puissance, absolument. De l'État. Alors, même s'il faut aller jusqu'à la tricherie, évidemment, j'évoque Sotchi 2014, l'affaire de dopage. Ça peut aller jusque-là, quoi. Oui, effectivement, là, on l'a bien compris. Et pour une fois, les Russes ont eu de la peine à cacher, malgré les dénis permanents, mais qu'il y avait véritablement un dopage d'État. Et ça a été mis au jour, notamment par un ancien fonctionnaire de l'agence antidopage russe qui s'est réfugié aux États-Unis ensuite et qui a sorti des milliers d'emails et de documents et qui montre qu'il y avait véritablement une stratégie. Encore une fois, ça montre combien c'est important pour M. Poutine, effectivement, comme ça l'était à l'époque soviétique ou pour des pays satellites comme la RDA, on s'en souvient. Alors, il joue sur du velours, Poutine, avec la FIFA, parce qu'on sait que la FIFA n'est pas regardante, elle n'a jamais été. Hein. Ça a commencé avec les Coupes du Monde dans les années 30. 36, l'Allemagne, les JO, etc. Voilà. Comment la Russie a obtenu l'organisation de cette Coupe du Monde? Donc, encore une fois, ça paraît par un exploit, même le Qatar, là, de toute façon, facile. Enfin, comment il a fait? On n'a pas... Bon, il y avait des soutiens, des adversaires? Je crois qu'il y a eu un vrai travail de lobbying, pour le coup, qui est peut-être pas très différent de ce qu'aurait fait d'autres pays. On a essayé d'identifier également. On a essayé d'identifier quels étaient les gens qui étaient prêts à voter la Russie, quels étaient ceux qui ne l'étaient pas. Notamment, je crois qu'il y a 22 membres du comité de la FIFA qui décident. Donc là, on a cherché qui était contre. Notamment, on s'est aperçu que les voix francophones de l'Afrique francophone n'étaient pas du tout acquises à la Russie. Donc là, on s'est servi de vieux fonctionnaires russes des instances sportives mondiales et de la FIFA qui avaient tout un carnet d'adresses, notamment auprès de João Havelange, l'ancien président de la FIFA. De la FIFA, c'est le Brésilien. Et qui, lui, dont le gendre, ou le fils, le gendre, je crois, fait partie du comité de la FIFA qui allait choisir. Donc là, on s'est appuyé sur lui. Il a organisé des rendez-vous avec des présidents de fédérations africaines et on a discuté. Qu'est-ce qui s'est dit, à quelles conditions? Ça, je ne sais pas. Personne ne sait. En tout cas, il est intéressant de s'arrêter sur le spot de campagne de la Russie. Ça nous renvoie à ce qu'on disait juste avant. Alors, le spot qu'on voit avant chaque match, on y voit le Spoutnik, l'aigle, Gagarine, Yashin, le célèbre gardien soviétique qui avait été ballon d'or en 63 et qu'on appelait l'araignée noire, et qui était pour le pouvoir soviétique une vraie fierté. Hein. Et on retrouve ces signes-là. C'est presque subliminal. En tout cas, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, ça ne l'est pas. Pour les autres, ça pourrait l'être. Hein. Yashin et Gagarine, il y a plein de choses. Il y a sans doute un peu de nostalgie soviétique derrière. Ce sont quand même les années où ça va mieux pour l'URSS. Et puis c'est une bonne équipe de football, contrairement à la Russie qui n'a jamais rien prouvé. Oui. L'URSS a gagné un euro, je crois, le premier euro en 1960. Ouais. Exactement. Et les JO de Melbourne au football en 56, juste avant. Donc effectivement, c'était une équipe qui gagnait. L'URSS gagnait en quelque sorte, puisque voilà, Gagarine est quand même le premier homme soviétique à avoir été dans l'espace. Premier homme à être allé dans l'espace. Premier homme à avoir été dans l'espace. Et il se trouve qu'il est soviétique. Il est soviétique, exactement. Donc ça, c'était effectivement important. Ça dit beaucoup du pouvoir et de cette puissance dont je parlais tout à l'heure. Et puis d'une certaine nostalgie, puisque c'est quand même la période où ça va mieux en URSS. On sort des famines, on sort des purges staliniennes et dans l'après-guerre, après Staline, après sa mort en 1953, on souffle un peu. Donc c'est tout ça. Mais quand on regarde bien l'affiche du mondial, on voit un Yashin tenue noire, parce que c'est l'araignée noire avec la casquette. Le gardien à l'époque portait une casquette et dans sa grande main, il capte un ballon. Le cuir se déchire un petit peu et dessous le cuir, on voit le globe, la Terre. Donc c'est quand même la Terre qui est dans la main d'un Russe. Alors, quelques jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde, la Terre est entre les mains d'un Russe qui s'appelle Vladimir Poutine et qui va donc s'adresser au monde. Il sait que son pays est le centre du monde parce que la Coupe du Monde est encore plus suivie que les JO. Hein. Ça devient le centre du monde pendant un mois et il devient le centre du monde. Il est très heureux. On va l'écouter. Il s'agit d'un extrait de Russia Today. Russie aujourd'hui. Bienvenue à tous les fans de football et aux meilleures équipes de football du monde. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà arrivés en Russie, ainsi qu'à tous ceux qui envisagent de participer à cet événement international historique, la Coupe du Monde de la FIFA. C'est avec une immense joie et un grand honneur que nous accueillons les représentants de la grande famille du football. Nous voulons que cet événement soit une fête, pleine de passion et d'émotion. J'espère que vous vivrez une expérience inoubliable, pas uniquement en regardant les matchs de votre équipe préférée et en admirant le talent des joueurs, mais aussi en découvrant la Russie, en apprenant à connaître son identité et sa culture, son histoire unique, sa diversité naturelle, son hospitalité, comme sa population sincère et amicale. Nous avons fait de notre mieux pour nous assurer que nos invités, les athlètes, les spécialistes et bien sûr les supporters se sentent en Russie comme chez eux. Nous avons ouvert notre pays et nos cœurs au monde. Bienvenue à la Coupe du Monde de la FIFA. Bienvenue en Russie. On dirait un dépliant touristique. Venez en Russie, ce pays de cocagne, vous serez si bien accueilli avec sa belle histoire. Donc il y a des enjeux économiques aussi pour une Coupe du Monde et pour Poutine, pour développer le tourisme notamment. Hein, la Russie aimerait bien que son tourisme soit un peu plus développé. J'ai envie de dire que c'est plus un dépliant géopolitique plus que touristique. Oui, en plus. Oui. Au sens où le vrai enjeu, c'est quand même l'image de la Russie avec un arrière-plan immédiatement géopolitique qui est encore une fois d'asseoir le pouvoir de la Russie en haut de la scène diplomatique. Et donc, c'est un dépliant géopolitique puisqu'il s'agit de rendre la Russie acceptable. Puisque si tous les drapeaux du monde viennent flotter là, si tous les sportifs viennent flotter là, c'est qu'elle est fréquentable et tout va bien. Vous avez remarqué aussi, par exemple, que l'équipe d'Égypte, par exemple, a son camp de base en Tchétchénie, qui est quand même un lieu très important, parce que c'est là que Poutine est entré en scène en tant qu'homme politique national. Absolument. Et il entre en scène avec une guerre. Ouais. Et maintenant, il y a un président pro-russe, Ramzan Kadyrov. Absolument. Et Mohamed Salah, qui est vraiment la révélation de l'année avec Liverpool. Hein. C'est le footballeur de l'année, quelque part. Exactement. Donc, il y a en Tchétchénie, il lui serre la main. Alors, les objectifs sont purement géopolitiques, là, c'est clair. Absolument, absolument. Et pour la Russie, il y a toujours deux objectifs géopolitiques, parce qu'après tout, les démocraties aussi veulent utiliser cette formidable vitrine pour donner une image de soi, du pays. Mais au-delà de ça, la Russie, c'est aussi un pays qui a toujours eu besoin de courir après l'Occident, qui va être reconnu par l'Occident. Parce que l'étalon de la puissance, ce sont les États-Unis. Et qu'il faut donc être reconnu par l'Occident, et c'est peut-être cette dimension supplémentaire qu'il y a avec la Coupe du Monde russe, d'où toute une esthétique des stades, de la modernité. On veut montrer qu'on fait partie de la modernité. Ce que font d'autres, ce que font les Chinois, etc. aussi. Mais c'est une manière de supplétif. On n'est peut-être pas démocrate, mais on est moderne, on fait partie, on est donc respectable. Et acceptez-nous sur le devant de la scène géopolitique. Mais est-ce que c'est pas tout ça pour ça ou tout ça pour rien? Parce que la ficelle est grosse quand même, non? Il y a des gens qui se laissent... Oui, il suffit de regarder les médias français aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il y a un tas de reportages où tout va très bien. Madame la Marquise. Et notamment parce que l'image de la Russie est souvent... Enfin, les aspects négatifs de la Russie sont gommés par l'idée d'une grande Russie, le grand pays. Et ça impressionne beaucoup de gens. Et c'est ce que je voyais dans beaucoup de reportages sur nos télévisions où on va dire, regardez, ça va, il y a des routes qui passent par le Grand Nord. Bref, c'est un pays incontournable. Et cette grandeur, elle n'est pas questionnée. Elle est juste admirée, en quelque sorte. Donc ça fonctionne. Et Poutine fonctionne toujours comme ça. D'ailleurs, il y a un autre exemple qui est frappant. Il y a des matchs à Kaliningrad, hein, une enclave russe au bord de la mer Baltique, frontalière, je rappelle, de la Pologne et de la Lituanie. C'est pour rappeler au monde qu'il s'agit d'un territoire russe proche de l'Europe. Oui, c'est ça. On est dans le marquage géopolitique. Poutine est très attentif à ça. Lors des JO d'hiver de Sochi en 2014, c'était dans le Caucase. Encore une fois, c'est là qu'il est entré en scène. Il est entré en scène par une guerre. Donc, encore une fois, on est dans des processus de légitimation qui sont absolument fondamentaux dans la grande politique. Alors, Kaliningrad, oui, il faut bien voir qu'en même temps et dans les derniers mois, c'est un endroit où on déploie aussi des armes nucléaires pour bien marquer le territoire. Cela nous appartient aussi. Et que se passe-t-il à l'ombre des stades russes pour les journalistes? Ils sont à l'ombre. Ouais. La situation reste très très difficile. Beaucoup sont emprisonnés. Je ne compte plus les morts. Et donc cela continue. Et on ne les libère pas à cette occasion. Les journalistes, je pense à Alexandre Sokolov, pour soi-disant une organisation extrémiste. Là, journaliste impliqué dans une organisation extrémiste. Mais on a aussi d'autres personnes. On a aussi des cinéastes. Je pense à Oleg Sentsov, qui est en grève de la faim depuis un mois et demi. Alors lui, s'il préparait des attentats en Crimée, cette région d'Ukraine qui a été annexée par la Russie en 2014, ou bien encore Oyub Titiev, qui est le responsable de l'organisation Mémorial, une grande ONG, et qui lui est emprisonné en Tchétchénie. Alors lui, il avait de la drogue dans la poche. Ah ben donc il est emprisonné parce qu'il a de la drogue, bien voilà. Sûr. Comment qualifieriez-vous la nature du régime de Poutine ? Non, je crois que c'est vraiment un régime extrêmement autoritaire. On hésite toujours à dire dictatoriaux parce qu'il y a encore pire, si l'on peut dire. Puis il y a le totalitarisme. Alors on dit démocratie, voilà. Non, je crois que c'est pas du tout autoritaire, en fait, c'est ça. Autoritaire, effectivement. Comme dans, c'est ce qui est souvent d'ailleurs tout à fait assumé par les dirigeants russes parce qu'ils se disent avec un tel territoire, et ça c'est une vieille histoire. Ça fait 200 ans qu'on rappelle cette histoire en Russie. Nous, on n'a pas les moyens d'être libéraux, on peut pas se permettre. Donc le pouvoir se doit d'être. C'est à la grandeur du territoire. À la grandeur du territoire, effectivement. C'est souvent on a ça dans l'histoire du 19e. Et du 20e. Mais donc voilà, je crois que c'est tout simplement ce type de régime. Est-ce que les opposants à Poutine, puisque si c'est pas une dictature à 100%, il y a des opposants qui jouent peut-être aussi les utilités d'ailleurs, hein, tout ça est un peu pervers, mais finalement leur statut d'opposant peut rendre service un peu au régime qui peut dire, voyez, on a quand même des opposants. Bref, est-ce qu'ils se servent aussi de la Coupe du Monde en Russie pour s'exprimer, ces opposants, ou ils peuvent? Non, pas véritablement, je crois qu'ils ont... Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être tout simplement parce qu'ils voient aussi qu'après tout c'est assez populaire en Russie, que c'est une occasion de fierté pour le peuple russe, sachant que l'histoire a une histoire de, comment dire, d'accueil des grands événements sportifs assez malheureuse. On se souvient de 1980, les Jeux qui sont boycottés par partie des pays puisque l'Union soviétique venait d'envahir l'Afghanistan. Les JO de Sochi 2014, la fête est gâchée puisque la crise ukrainienne éclate exactement à ce moment-là. Donc j'ai l'impression que les opposants n'ont pas voulu aller sur ce terrain parce qu'il y avait une certaine fierté. En revanche, ils ont parlé des affaires de corruption, des stades qui coûtent beaucoup, beaucoup trop cher, etc. Alors, puisqu'on parle de football et de politique, l'une étant imbriquée dans l'autre, et qu'on parle de la Russie, ça nous fait penser forcément à l'URSS, l'esprit d'escalier, qui nous amène en 1973, on rappelle aux auditeurs, je crois qu'on l'a rappelé il n'y a pas longtemps, mais on peut toujours le faire, ce qui s'est passé entre l'URSS et le Chili, quand le Chili se qualifie pour la Coupe du Monde en 1974, il se qualifie en jouant les barrages contre les soviétiques, mais c'est au lendemain de l'assassinat d'Allende, et donc les soviétiques ne vont pas jouer, et les Chiliens se qualifient pour la Coupe du Monde 1974, où ils ne brilleront pas d'ailleurs, devant personne. Les soviétiques ne jouent pas le match retour, en fait. C'est ça. Ils jouent le match aller à Moscou. Ils jouent le match aller à Moscou, ils font 0-0. Voilà. Entre-temps, Allende, le coup d'État est assassiné. Et ils ne vont pas au match retour. Et pour formaliser le match, effectivement, les Chiliens vont jouer tout seuls, doivent marquer un but et l'affaire est terminée. Pour le coup, on peut dire qu'il y avait une vraie position de principe de l'URSS et qu'ils ont sacrifié leur participation à la Coupe du Monde, qui était tout à fait raisonnable, enfin qui pouvait avoir lieu. Et ils ont oublié. Ils ont abandonné l'idée d'y participer. Dans votre livre, on finira avec ça, il y a des pages passionnantes, hein, notamment sur le rôle social du football en URSS, c'est pour ça que je vous en parle, notamment avec cette phrase, et on finira là-dessus, du compositeur Dmitri Chostakovitch, qui disait « Le stade de football, alors c'est du temps de l'URSS, hein, le stade de football, c'est le seul endroit en Union soviétique où vous pouvez être non seulement pour, mais aussi contre. » Voilà, ouais. On a le droit d'avoir cette idée-là sur tel footballeur. D'être contre, d'être pour. Il y avait un débat dans les tribunes. Alors on terminera sur cette petite phrase qui dédramatise un peu tout cela. Merci infiniment, Régis Janté. Je rappelle à nos auditeurs, s'ils sont passionnés par cette thématique, qu'il faut lire le livre que vous avez écrit et qui s'appelle « Football, le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique ». Et puis il faut lire, regardez aussi le documentaire « Football, arme du KGB ». Merci Régis Janté, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la Coupe du Monde en Argentine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Elisabeth Collet qui était à la technique aujourd'hui.